Tu es venu mon amour, tu es venu mon amour. Je t'attendais chaque jour et je guettais ton retour. Les feuilles ont rougi déjà, la neige a couvert les toits. Et moi j'ai tant attendu que je ne t'attendais plus. Tu es venu ce matin, il faisait froid dans mes mains. Hier encore j'avais peur, je croyais perdre mon cœur. Tu es venu m'apporter cette chaleur oubliée que j'aimais, que j'aimais, que j'aimais. Où étais-tu, mon amour? Que faisais-tu, mon amour? Le ciel devenait si lourd sur mes nuits et sur mes jours. Ne me dis rien, mon amour. Ne réponds pas, mon amour. Tu es ici, mon amour. Ça me suffit, mon amour. La neige fond sur les toits.